Comme Lisanne était là, ils entendirent à quelque distance derrière eux du bruit et des cris. Ils retournèrent la tête. Ils virent une troupe d'hommes, armés de gaules et de fourches, qui s'avançaient vers eux à toutes jambes. Vous allez croire que c'étaient les gens de l'auberge, leurs valets et les brigands dont nous avons parlé. Vous allez croire que le matin, on avait enfoncé leurs portes faute de clés et que ces brigands s'étaient imaginés que nos deux voyageurs avaient décampé avec leurs dépouilles. Jacques le crut et disait entre ses dents « Maudites soient les clés, la fantaisie ou la raison qui me les fit emporter. Maudites soient la prudence, etc., etc. » Vous allez croire que cette petite armée tombera sur Jacques et son maître, qu'il y aura une action sanglante, des coups de bâton donnés, des coups de pistolet tirés. Il ne tiendrait qu'à moi que tout cela n'arriva. Mais adieu la vérité de l'histoire. Adieu le récit des amours de Jacques. Nos deux voyageurs n'étaient point suivis. J'ignore ce qui se passa dans l'auberge après leur départ. Ils continuèrent leur route, allant toujours sans savoir où ils allaient, quoiqu'ils sussent à peu près où ils voulaient aller. Trompant l'ennui et la fatigue, par le silence et le bavardage, comme c'est l'usage de ceux qui marchent, et quelquefois de ceux qui sont assis. Il est bien évident que je ne fais pas un roman, puisque je néglige ce qu'un romancier ne manquerait pas d'employer. Celui qui prendrait ce que j'écris pour la vérité serait peut-être moins dans l'erreur que celui qui le prendrait pour une fable. Cette fois-ci, ce fut le maître qui parla le premier et qui débuta par le refrain accoutumé. « Eh bien, Jacques, l'histoire de tes amours !» Je ne sais où j'en étais. J'étais si souvent interrompu que je ferais tout aussi bien de recommencer. « Non, non !» Revenu de ta défaillance à la porte de la chaumière, tu te trouvas dans un lit entouré de gens qui l'habitaient. Fort bien. La chose la plus pressée était d'avoir un chirurgien. Il n'y en avait pas à plus d'une lieue à la ronde. Le bonhomme fit monter à cheval un de ses enfants et l'envoya au lieu le moins éloigné. Cependant, la bonne femme avait fait chauffer du gros vin, déchiré une vieille chemise de son mari, et mon genou fut étuvé, couvert de compresses et enveloppé de linge. On mit quelques morceaux de sucre, enlevés aux fourmis, dans une portion du vin qui avait servi à mon pansement, et je l'avalai. Ensuite, on m'exhorta à prendre patience. Il était tard. Ces gens se mirent à table et soupèrent. Voilà le souper fini. Cependant, l'enfant ne revenait pas. Et point de chirurgien. Le père prit de l'humeur. C'était un homme naturellement chagrin. Il boudait sa femme. Il ne trouvait rien à son gré. Il envoya durement coucher ses autres enfants. Sa femme s'assit sur un banc et prit sa quenouille. Lui allait et venait. Et en allant et venant, il lui cherchait querelle surtout. Cependant, il arriva un chirurgien, puis un second, puis un troisième, avec le petit garçon de la chaumière.